Topic is stay tuned. Oui, ça c'est. Stay tuned. Stay tuned. Play load. Oh, vous êtes accordés, les gars? Topic, il faut être accordé aujourd'hui. Thank you.